إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc aujourd'hui on va commencer l'explication de notre cours sur Al-Usul al-Thalatha. On commence le cours numéro 33 et on est dans la partie de Al-Usul al-Thani, le deuxième fondement de l'islam, qui est Ma'rifatu dini l'islam bil adilla, de connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Et on est dans le deuxième degré. Après avoir parlé de l'islam, on parle de Al-Iman et on a parlé des shu'ab, on a parlé des branches, maintenant on parle des piliers de la foi. Shu'ab, arkan al-iman. On a expliqué le premier, puis là on a parlé maintenant de al-iman ou bil-mala'ika, c'est-à-dire la foi en les anges. Donc on va continuer à nommer ou bien à énumérer différentes tâches de certains anges. Parce qu'on a mentionné que certains anges ont des tâches spécifiques, et que parmi ces tâches-là, on a mentionné plusieurs. Là, on va continuer à énumérer certaines de ces tâches ou certaines de ces choses spécifiques que certains anges ont comme responsabilité. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il dit: وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ مُوَكَّلٌ بِحِفْظِ بَنِي آدَمْ مِنَ الْمَكَارِحِ يحفظونه من الآفات ومن الأعداء ومن الهوام ومن السباع ومن الأفاعي والحيات وما دام له بقية حياء. ما دام له بقية حياء فإن له ملائكة يحفظونه من الأخطار. Donc le Cheikh explique que parmi les anges, il y en a qui sont chargés de garder et de préserver les fils d'Adam contre les choses qui sont mauvaises, les choses qui sont nuisibles. Ils le préservent de toutes choses qui peuvent leur faire mal ou leur faire du tort, que ce soit des ennemis ou que ce soit des oiseaux de proie ou des animaux féroces, des bêtes féroces, ou bien des serpents ou des choses comme ça. Et Ali, tant qu'il est en vie, il y a des anges qui le préservent contre les dangers. Donc ce sont des anges gardiens que Allah subhanahu wa ta'ala envoie pour préserver et pour garder les hommes contre ces dangers-là. Bien entendu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les envoie, ces anges-là. Juste pour ajouter un point par rapport à ce sujet, parce que certains parmi les mouchriquins, les kuffars, les chrétiens, les juifs, ils prient aux anges. Ils demandent aux anges directement de venir les protéger ou de les aider. Ça, c'est du shirk. Donc, on ne doit pas demander à un ange de nous aider ou de nous préserver. On doit uniquement demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui envoie les anges par la suite pour protéger et pour préserver les hommes contre le danger dont les hommes ont demandé la protection à lui seul. Donc ça, c'est très important. Ensuite, le Cheikh, il dit: yanamu bayna as-siba', وبين الحيات في البر، والذي يدفع عنه الحيات والسباع والهوام. من الذي يدفع عنه الحيات والسباع والهوام؟ معه ملائكة سخرهم الله سبحانه وتعالى. قال الله فيهم: له معقبات بين يديه، من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله. Donc l'être humain, lorsqu'il dort parmi les bêtes sauvages, les bêtes féroces, parmi les serpents, lorsqu'il est dans la campagne ou dans la brousse ou loin de la ville, yani, qui repousse les serpents, qui repousse les bêtes sauvages, qui repousse les oiseaux de proie, hein? Ce sont les anges que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés et assujettis, hein, pour cette personne, pour que ces anges le préservent. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sourate Ar-Ra'd, le verset 11, لَهُ مُعَقِّبَاتٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. Il y a des anges qui succèdent et qui viennent le préserver de par devant et de par derrière. Ils le préservent de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou par le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils le préservent par le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire bi-amrillah, c'est-à-dire par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bi-amrillahi بأمر الله هؤلاء يحفظون بني آدم من المكارم والأخطار إلى أن يحين الأجل، فإذا حان الأجل تخلو عنه فوقع ما قدر الله له من الموت أو الإصابة التي تفضي إلى الموت. Donc par le commandement d'Allah, ces anges viennent préserver les fils d'Adam de tout mal ou de tout danger qui pourrait lui arriver, jusqu'à ce que vienne son terme. Et lorsque son terme est arrivé, c'est-à-dire l'heure de sa mort, alors ce qui lui a été prédestiné lui arrive. Et donc, il est atteint par la mort. Ou bien, il est atteint par quelque chose qui va, par la suite, être une cause de sa mort. Ensuite, le cheikh, il dit, « وَمِنْهُمْ مَلَائِكَةٌ مُوَكَّلُونَ بِتَنْفِيذِ الْأَوَامِرِ فِي أَخْطَارِ السَّمَوَاتِ في أقطار السماوات والأرض لا يعلمهم إلا الله. Il y a des anges qui sont chargés d'exécuter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et yani, dans les différentes régions du ciel et de la terre que seul Allah connaît. Il y a des anges qui sont chargés d'exécuter les ordres d'Allah dans différentes parties ou différentes régions des cieux et de la terre que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. ومنهم ملائكة يطلبون مجالس الذكر ويحضرونها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. ملائكة سياحون في الأرض يطلبون حلق الذكر ويشهدونها. Donc, le cheikh, il explique qu'il y a une catégorie d'anges, et que cette catégorie d'anges-là, ou cette sorte d'anges, eux, leur tâche, c'est quoi? C'est de chercher les assises et les endroits où les gens s'assoient pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils en trouvent, lorsqu'ils en trouvent une assise de ce genre, eh bien, ils y assistent. Ils viennent et ils y assistent. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qu'il n'y a pas un groupe de personnes qui s'assoit dans une des maisons parmi les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'assoit pour réciter le livre d'Allah et pour l'étudier entre eux, excepté que la tranquillité et la quiétude descend sur eux, et qu'ils sont recouverts par la miséricorde et entourés par les anges. Entourés par les anges. Ça, c'est rapporté par l'imam muslim dans son sahih, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu. Donc, ce sont des anges qui voyagent sur terre et qui recherchent les cercles de rappel et les cercles de science pour y assister. Comme l'assise, inshallah, dans laquelle nous sommes actuellement, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse assister ses anges et fasse descendre sur nous sa quiétude et sa miséricorde. Et il dit ensuite, « وَلَا يَعْلَمُ الْمَلَائِكَةُ أَصْنَافَهُمْ وَأَوْصَفَهُمْ إِلَّا اللَّهِ لَكِنْ مَا جَاءَ فِي النُّصُوصِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ الصَّحِيحَةِ أَثْبَتْنَاهُ وَاعْتَقَدْنَاهُ وَمَا لَمْ يُذْكَرْ لَنَا نَمْسِكُ عَنْهُ وَلَا نَبْحَثُ عَنْهُ لأن هذا من علم الغيب الذي لا ندخل فيه إلا بدليل فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإسلام فمن جحد الملائكة وقال لا يوجد ملائكة لأننا لا نراهم هذا يكون كافرا ملحدا زنديقا والعياذ بالله لأنه لم يؤمن بالغيب. Donc, le Cheikh il dit que nul ne connaît les différentes sortes et les différentes descriptions des anges excepté Allah. Mais nous, on se limite à ce qui est venu dans les textes du Coran et des hadiths authentiques de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui est affirmé dans ces textes, on l'affirme et on y croit. Et qu'est-ce qui n'a pas été mentionné, alors on s'abstient d'en parler et on n'essaie pas de chercher parce que ça fait partie de la connaissance de l'invisible et nous on n'a pas le droit de rentrer dans quoi que ce soit de ce qui a rapport avec le monde de l'invisible excepté avec une preuve. Ensuite le Cheikh il dit donc la foi en les anges ça fait partie des piliers de l'islam et quiconque renie les anges ou l'existence des anges, et qui dit par exemple, il n'y a pas d'anges, les anges ça n'existe pas, parce qu'on les voit pas, celui-là il est kafir, hein, il est mécréant, mulhid, c'est un hérétique, c'est un athée, et un zindiq, un hérétique, wala'iyazu billah, car il n'a pas cru en l'invisible. Donc quelqu'un ne peut pas être un mu'min, un croyant, excepté s'il a cru aux anges et en tout ce qui fait partie du ghaib, de l'invisible, parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionnées dans sa révélation et les choses que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionnées également dans sa sunna. Donc celui qui rejette quoi que ce soit de ces choses-là parce que sous prétexte que c'est des choses qu'on ne peut pas voir, ou c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre logiquement ou rationnellement, ça c'est la parole de quelqu'un qui est un zindiq et qui est un kafir, hein, qui rejette la réalité de la foi en l'invisible. Et là. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan il dit وَكَذَلِكَ الَّذِي يُؤَوِّلُ الْمَلَائِكَ فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّمَا هِيَ مَعَانٍ وَلَيْسَتْ أَجْسَامًا وهي الهواجس التي تأتي على الإنسان إن كانت هواجس خير فهي ملائكة وإن كانت هواجس شر فهي شياطين فهذا قول إلحادي والعياذ بالله ومع الأسف في تفسير المنار نقله محمد رشيد رضا عن شيخه محمد عبده وهذا كلام الفلاسفة وهو كلام باطل من اعتقده فهو كافر ولكن نرجو أنه نقله ولم يعتقده ولكن نقله من غير تعقيب فيه خطورة وهذا كلام باطل وكفر بالملائكة نسأل الله العافية والسلامة. Donc le Cheikh il mentionne que y a des gens qui déforment ou qui interprètent ou qui falsifient la signification des anges. C'est-à-dire, ils donnent aux anges une autre interprétation. Ils disent, les anges ne sont pas des anges physiques. Ce sont pas des corps ou des choses physiques qui existent. Ce sont seulement des choses abstraites, des esprits, hein, ou des choses invisibles, c'est-à-dire des choses abstraites qui ne sont pas réelles. ne sont pas physiques. Ce sont comme des inspirations ou des esprits qui viennent voir l'homme. Si ce sont des choses qui viennent avec du bien, ce sont des anges. Si ce sont des choses qui viennent avec du mal, ce sont des diables. Donc, ça signifie quoi? Quand quelqu'un dit quelque chose comme ça, ça signifie qu'il nie la réalité des anges. Et il essaie de l'interpréter d'une autre manière, soi-disant pour le rationaliser selon la méthode des matérialistes et des philosophes. Et c'est ça que le cheikh il dit. Il dit, et donc, de cette façon, c'est une parole d'athéisme et une parole de kufr. Wal'iyadu billah. Et ça, malheureusement, on le trouve dans le livre qu'on appelle Tafsir al-Manar, ou le magazine qu'on appelle Tafsir al-Manar. C'est un magazine qui avait été écrit par Mohamed Rachid Reda, un égyptien, un cheikh égyptien, qui l'avait transcrit de, ou ramené, ou cité de la parole de son cheikh Mohamed Abdo. Mohamed Abdo, qui était à l'époque en Égypte aussi, c'était l'élève de Jamaluddin al-Afghani. C'était l'élève de Jamaluddin al-Afghani. Jamaluddin al-Afghani, c'est un Iranien. C'est un Iranien. Il se faisait appeler al-Afghani pour cacher ses origines chiites. Ok. Et il était un franc-maçon. Ça a été confirmé et on a les preuves qu'il était rentré dans la franc-maçonnerie, lui ainsi que son élève Mohamed Abdo. Et Mohamed Abdo, à l'époque, il a été le directeur de Al-Azhar, à l'époque où l'Égypte était sous l'occupation anglaise. C'est les Anglais donc qui l'ont mis à ce poste. Et il avait une tendance rationaliste moderniste. Et ce groupe-là se donnait le nom de Salafiyoun. Donc il prônait de façon apparente la Salafiyya. Pourquoi? Parce que soi-disant il voulait appeler les gens à abandonner le fait de suivre aveuglément les écoles de jurisprudence et des choses comme ça, les écoles de fiqh. Mais leur méthodologie et leur aqidah, leur manhaj n'étaient pas le manhaj des salafs pour de vrai. C'est pour ça que vous allez trouver certains, par exemple, islamologues ou orientalistes, qui, lorsqu'ils parlent de la salafia, ils vont dire que c'est un mouvement qui est apparu au 19e siècle ou quelque chose comme ça, et ils vont associer ça à Jamaluddin al-Afghani, Mohamed Abdo et Mohamed Rachid Reda. Alors que ça n'a rien à voir avec eux. La salafia, on le sait, c'est la voie des sahaba, la aqida des sahaba et leur manhaj et leur compréhension. Et ceux qui les ont suivis par la suite parmi les tabi'in et les tabi'at tabi'in jusqu'à la fin des temps. Il y en a ceux qui suivent cette voie-là, cette compréhension de l'islam, cette méthodologie de compréhension des textes du Coran et de la Sunna, jusqu'à la fin des temps, ceux qui suivent ça dans la aqidah, dans la pratique et dans l'adoration et dans tout le reste de la religion, eh bien, ils sont des salafiyoun. Ce sont des salafis. Et ceux qui opposent la aqidah ou le manhaj des salafis ne sont pas salafis, même s'ils se disent salafis eux-mêmes. D'accord? Donc, ça c'est juste en passant. Donc, c'est pour dire que dans le livre Tafsir al-Manar, on retrouve ce genre de paroles. Les gens qui disent que les anges, ce sont des choses abstraites, c'est pas quelque chose de concret, de réel. Et le cheikh dit c'est une parole qui est complètement fausse. Et celui qui croit ça, il est kafir. Sauf qu'on espère que la personne n'a fait que le transmettre et qu'il n'y croyait pas lui-même. C'est-à-dire, on espère que la personne, Mohamed Abdo, il l'a seulement cité sans y croire lui-même. Parce que s'il y croit lui-même, ça c'est kufr, comme le cheikh il l'a dit, de façon générale. Il dit pourquoi? Parce qu'il l'a transcrit, il l'a cité. Et il l'a cité sans faire de commentaires à la suite pour critiquer cette parole. Donc c'est comme s'il l'a cité sans la critiquer, cette idée. Ça donne l'impression qu'il est d'accord. Hein? Ça donne l'impression qu'il est d'accord. Et il y a donc un danger dans ça. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est une parole qui est totalement fausse et c'est une parole qui représente une négation et un rejet de la foi en les anges. Et il dit, à la suite, le cheikh, il dit, Nasallallaha al-afiyah wa salama. Nasallallaha al-afiyah wa salama. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner et de nous sauver de ce genre de croyances fausses par rapport aux anges. le cheikh, il dit, فَالْإِنسَانُ لَا يَدْخُلُ بِعَقْلِهِ وَتَفْكِيرِهِ أو ينقل عن الفلاسفة أو عن الزنادقة شيئا من أمور الدين وأمور الغيب وإنما يعتمد على الكتاب والسنة وهذا الواجب ويذكر في تفسير المنار أنه منقول من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي والله أعلم وكتاب إحياء علوم الدين للغزالي فيه طوام وفيه بلايا وإن كان فيه شيء من الخير والفوائد ولكن فيه من المهلكات والسموم الشيء الكثير وهو كتاب مختلط شره أكثر من خيره فلا يليق بالمبتدئ أو العام أن يطالع فيه إلا إذا كان عنده علم وتمييز بين الحق والباطل والملائكة ليسوا معان كما يقول بل الملائكة أجسام وأشكال يتشكلون بأشكال أعطاهم الله القدرة عليها ولهذا كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل فأعطاهم الله القدرة على التشكل في أشكال من أجل مصلحة بني آدم لأن بني آدم لا يتيقون رؤية الملائكة على خلقتهم التي خلقهم الله عليها. Donc le cheikh il explique que un être humain il ne doit pas rentrer avec sa raison, avec sa pensée, avec ses idées dans les questions qui ont rapport avec la foi en l'invisible et le monde du ghaib. Il ne doit pas rentrer avec sa logique ou il ne doit pas commencer à citer les paroles des philosophes ou les paroles des hérétiques dans les questions de religion ou dans les questions du raïd. Il doit uniquement se baser et se reposer sur le Coran et la Sunna. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Hein? Et l'auteur de Tafsir al-Manar, il a dit que cette parole, elle avait été citée du livre de Abu Hamid al-Ghazali, Ihya Ulum al-Din. Wallahu a'lam. Il dit que ce livre, Ihya Ulum al-Din, qui signifie en français la revivification des sciences religieuses ou les sciences de la religion de Abu Hamid al-Ghazali, ce livre contient de grandes erreurs et de grands malheurs, hein, des catastrophes. C'est un livre très, très dangereux. Même s'il y a peut-être quelques biens ou quelques choses bénéfiques dedans, mais les choses qui peuvent te faire périr et le poison qui est dedans, il est énorme. Et c'est un livre qui est mélangé. Il y a de tout dedans. Hein? Donc, c'est un livre dont le mal est plus grand que le bien. Et donc, il ne convient pas à quelqu'un qui est débutant ou quelqu'un qui fait partie du commun des musulmans de regarder dans ce livre, excepté s'il possède de la science et qu'il a la capacité de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que sinon, il risque de tomber dans beaucoup de formes d'égarement qui sont dans ce livre-là. Hein? Et parmi les exemples, il y a les paroles des philosophes, les paroles des soufis, des hadiths qui sont fabriqués, des paroles d'hérétiques aussi, des paroles de philosophie, toutes sortes de choses qui sont contraires à l'islam. Et justement, plusieurs, non seulement des ulama, l'ont réfuté sur ce livre-là et sur d'autres livres qu'il a écrits, Abu Hamid al-Ghazali, mais il a été réfuté par ses propres élèves même parfois, hein, et par des chouyours, des savants de son époque. Hein, donc ça c'est très important de le comprendre. Et beaucoup de soufis prônent et font la, disons, la publicité pour Abu Hamid al-Ghazali, parce que justement il trouve en ses livres des idées ou des défenses de certaines idées des soufis, hein, et aussi certaines idées des gens de Kalam et des gens qui ont la croyance des, par exemple des Ash'ara, parce que Abu Hamid al-Ghazali était un Ash'ari, hein, était sur la aqida Ash'ariya, il était sur la croyance de plusieurs formes de soufis, hein. Et à certaines époques, même à certains moments de sa vie, il a même douté, hein, en la religion. Il est rentré dans la philosophie parce qu'il a cherché une vérité. Il est rentré dans la philosophie. Il n'a pas été satisfait de ce qu'il a trouvé dans la philosophie. Il n'a pas trouvé la certitude. Il est rentré dans le soufisme. Il est allé s'isoler dans les monastères avec les soufis. Hein, puis commencer à faire les exercices soufis que les exercices que les soufis ont innovés, qui n'ont rien à voir avec l'islam ni avec la religion, et il a commencé à pratiquer ces choses-là pour essayer d'arriver à une certitude encore aussi. Puis il est passé par plusieurs stades, plusieurs époques, hein. Avant tout ça, il était reconnu comme étant un grand savant de fiqh, hein. Il avait une renommée, il était connu à l'époque. Puis après, il est tombé dans ces choses-là. C'est pour ça que les soufis l'ont pris comme un genre de modèle, en disant, regardez, un grand savant de l'islam qui accepte notre voie. Donc c'est pour essayer de donner une crédibilité à leur mouvement qu'ils ont essayé de mettre de l'avant Muhammad al-Ghazali. Mais nous, on sait très bien que ce n'est pas la personne qui détermine qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est le faux, mais c'est la vérité et le faux qui vont faire en sorte qu'on pourra par la suite savoir comment se placer vis-à-vis des gens. Hein? C'est-à-dire que le critère de distinction entre le vrai et le faux, ce ne sont pas les hommes. Le critère de la distinction entre qu'est-ce qui est vrai et faux, c'est la vérité elle-même, et non pas les hommes. Parce que les hommes, eux, ils peuvent se tromper, comme ils peuvent avoir raison. Donc on les ramène vers le Coran et la Sunna pour savoir quand ils ont raison, on dit vous avez raison, et quand ils ont tort, on dit vous avez tort. Peu importe qui ils sont, peu importe si ce sont des grands savants. Hein? Et donc c'est ça. Le Cheikh, il dit que les anges, donc, ce ne sont pas des choses abstraites ou des choses qui n'ont pas aucune chose réelle, aucune réalité. Ce sont des corps qui peuvent prendre différentes formes, hein, qui peuvent se transformer. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la capacité de prendre des formes humaines ou autres. Hein, comme c'est mentionné dans le hadith Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Jibril il est venu sous la forme humaine. Et Allah lui a donc donné la capacité de prendre d'autres formes et de se métamorphoser. Et ça, c'est pour un bienfait pour l'homme lui-même, pour le fils d'Adam. Parce que l'homme ne peut pas supporter de voir l'ange dans sa création originelle, comment Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Le Cheikh, il dit ensuite, « Innama ya'touna ila al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, في صورة رجل رفقا ببني إسرائيل ببني آدم رفقا ببني آدم ولا يرون على صورتهم وحقيقتهم إلا عند العذاب قال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين وعند الموت يعاينهم الإنسان ويرى ملائكة الموت ولكن في الدنيا وعلى قيد الحياء لا يراهم لأنه لا يليق أو لا يتيق رؤيتهم خلقهم الله من نور خلق الشياطين من نار كما في القرآن وخلق آدم من تراب فالله على كل شيء قدير. Le Cheikh, il explique que les anges viennent uniquement en forme humaine au prophète sallallahu alayhi wa sallam par Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que les anges viennent au prophète sous la forme humaine par douceur, pour être doux avec les hommes, pour pas leur faire peur, hein. Et on peut pas les voir dans leur réelle forme, dans leur réelle apparence, excepté lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement à ce sujet-là dans Sourate Furqan, le verset 22. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. Donc le jour où ils verront les anges, ce sera pas une bonne nouvelle ce jour-là pour les criminels, hein? Parce que les kuffars, ils demandent pourquoi on peut pas voir Allah, pourquoi on peut pas voir les anges. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur répond en disant que le jour où ils vont voir les anges, ce ne sera pas une bonne nouvelle ce jour-là pour les criminels. Mais au moment de la mort, ils vont le voir. Ils vont voir l'ange de la mort qui vient prendre leur âme. Et le moment de la mort, c'est le moment où on a le premier contact avec le monde du ghaib. Parce que, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. On a enlevé ton voile. فَبَصُرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Ta vue maintenant, elle est perçante. Parce que on a tous un voile qui nous empêche de voir le ghaib dans cette vie. Et au moment de la mort, Allah nous enlève ce voile et on voit maintenant les anges. À ce moment-là, l'ange de la mort qui vient prendre notre âme, c'est le premier contact qu'on a avec le monde de l'invisible. À partir de ce moment-là, le test, il est fini pour nous. Ça veut dire, il n'y a plus de test. Maintenant, toute personne qui voit ça, il croit automatiquement que ce que Allah avait dit, c'était la vérité. On ne peut plus revenir en arrière. Hein? Donc, moi, quand j'ai juste pensé à ça, pour moi, c'est suffisant pour m'imaginer que le reste, c'est pire encore. Juste ce moment-là, c'est suffisant pour faire réfléchir n'importe qui, hein, pour dire que lorsque ce moment-là va arriver, tu veux avoir était parmi les croyants et non pas parmi ceux qui ont traité la parole d'Allah de mensonge, parce que ce jour-là tu vois la vérité avec tes deux yeux, hein. Tu vois les anges, des créatures que tu pouvais pas voir dans cette vie, hein, mais dont Allah subhanahu wa ta'ala t'avait mentionné l'existence et t'avait parlé d'eux, et toi tu les avais niés, hein, et là tu les vois, ils viennent prendre ton âme. Donc ce moment-là, tu vas les voir. Tu vas voir l'ange de la mort, mais dans la dunya, maintenant, tu ne peux pas les voir. Tant que tu es en vie, tu ne peux pas les voir et tu ne pourrais même pas supporter de les voir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges à partir de la lumière. L'origine de leur création, c'est An-Nur, la lumière. Tandis que les diables, eux, les djinns, eux, l'origine de leur création, c'est le feu. Et l'origine de la création de l'homme, c'est la terre, la Torah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a le pouvoir sur toute chose. Après, le cheikh, il dit, « والكفار يعتقدون أن الملائكة بنات الله. قال تعالى, وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. » Le verset 19 dans Surat Az-Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que les kuffars, ils pensent que les anges sont les filles d'Allah. ils ont fait des anges, des filles, et ils les ont attribués à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il réfute ça en disant, et ils ont fait des anges qui sont des serviteurs d'Allah, des femelles. Est-ce qu'ils ont été témoins de leur création? Certes, leur témoignage sera écrit et ils seront questionnés. Hein? Donc ça, c'est l'exemple, hein, d'un autre exemple de ce genre. Ensuite, peut-être un petit point à rajouter ici par rapport à cette question des anges, surtout pour les personnes qui sont converties à l'islam, puis qui ont entendu des choses différentes dans le christianisme avant d'être convertis, ou dans le judaïsme, s'ils sont des juifs convertis, c'est que souvent les chrétiens ou les juifs, ils s'imaginent qu'il y a des anges qui sont bons, puis il y a des anges qui sont mauvais, puis que les diables sont les anges mauvais. Et ça, c'est une fausse compréhension basée sur une mauvaise compréhension aussi, et ou bien une falsification des textes. La réalité, c'est que les anges sont des créatures qui ont été créées par Allah subhanahu wa ta'ala pour lui obéir. Et ils ne peuvent pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, elle dit justement à ce sujet-là, « La ya'asuna Allah ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun. » Ils ne peuvent pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que Allah leur a ordonné, et ils font ce qui leur a été ordonné, ce qui leur a été commandé. Donc ça, c'est une chose. Et également, c'est que les diables ne font pas partie des anges, c'est-à-dire ils ne sont pas des anges, ce sont des djinns. Les diables, ce ne sont pas des anges qui ont chuté, ce sont des djinns. Et lorsque Iblis, qui est un djinn, était parmi les anges à ce moment-là, et que Allah lui a ordonné de se prosterner, hein, il a refusé de se prosterner. Et à cause de ça, donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit et l'a chassé. Mais c'était pas un ange, hein, parce qu'Allah avait ordonné aux anges de se prosterner devant Adam, et tous les anges se sont prosternés, sauf lui, sauf Iblis. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Et dans surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit كَانَ مِنَ الْجِنِّ. كَانَ مِنَ الْجِنِّ. Donc il faisait partie des djinns et non pas des anges. Donc ça, c'est un point important à comprendre pour éviter des erreurs dans la compréhension. Ensuite, le shaykh, il mentionne comme troisième pilier de la foi الْإِمَانُ بِالْكُتُبْ, la foi en les livres. الإيمان بكتبه وهي الكتب التي أنزلها الله على الرسل لهداية البشر نؤمن بأنها كلام الله حقيقة ونؤمن بما سمى الله منها وما لم يسم وسمى الله لنا منها سمى الله لنا منها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم وصحف إبراهيم وموسى فنؤمن بها ونؤمن بما لم يسمه الله ما لم يسمه الله منها فالإيمان بالكتب السابقة يكون إيمانا مجملا والإيمان بالقرآن يكون إيمانا مفصلا بكل ما فيه لأنه كتابنا وأنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمن جحد آية أو حرفا من حروفه فهو كافر مرتد عن الإسلام. Le cheikh, il explique qu'il faut croire, donc parmi les articles de la foi, les piliers de la foi, il faut croire en les livres. Et le cheikh, il dit que Barakallahu fik. Donc les livres, ce sont les livres que Allah subhanahu wa ta'ala a révélés à ses messagers pour guider les hommes. Les hommes, ils ont besoin de guidance. Et ces livres-là sont les livres dans lesquels il y a la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit croire que c'est la parole réelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces livres, ce sont les des exemples de la parole réelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on doit croire en les livres que Allah subhanahu wa ta'ala a nommés et en les livres qu'il n'a pas nommés. Il faut croire en les livres qui ont été nommés dans les livres, dans la révélation, c'est-à-dire dans le Coran et dans la Sunna, et il faut également croire en ceux qui n'ont pas été nommés, parce qu'on sait qu'il y a des livres qui ont été révélés que Allah n'a pas mentionné dans la révélation, dans le Coran, mais il faut y croire quand même, de façon générale. Et parmi ceux qui ont été nommés par Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la Torah ou l'Injil. Donc la Torah, l'Injil, la Torah a été révélée à Moussa, l'Injil à Isa ibn Maryam, Az-Zabur, il a été révélé à Daoud alayhi salam, et Al-Qur'an qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Suhuf Ibrahim wa Moussa, et les feuilles de Ibrahim et de Moussa. Donc on doit croire en ces livres-là. Et comme on a dit, donc ça c'est, on y croit avec les noms parce que c'est spécifique, c'est mentionné dans les textes. Mais s'il y a des livres qui ont été révélés autres, ça c'est possible parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de croire en tous les livres, qu'ils soient mentionnés ou non. Mais ceux qui sont mentionnés, on y croit de façon spécifique, et ceux qui ne sont pas mentionnés, on croit de façon générale, sans que ce soit spécifique. On sait que c'est une révélation qui a été donnée à Isa alayhi salam, mais cet Injil, elle existe, c'est pas l'Injil qui existe actuellement entre les mains des chrétiens. Et la Torah, c'est pas la Torah qui existe actuellement entre les mains des juifs. Il faut savoir que ces livres que ces gens-là possèdent aujourd'hui sont des livres qui ont été changés et falsifiés. Ils ne sont pas restés dans leur authenticité originelle. Et il y a beaucoup de prêcheurs chrétiens, parfois des missionnaires chrétiens qui jouent avec ça parfois. Ils jouent avec des versets dans le Coran pour essayer de faire penser ou faire croire à des musulmans qui n'ont pas peut-être étudié l'islam comme il faut, que l'islam reconnaît les livres que les juifs et les chrétiens possèdent entre leurs mains aujourd'hui tels qu'ils sont. Hein? Comme par exemple, ils vont mentionner un verset dans Suratul Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple, يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. C'est-à-dire, oh vous les gens du livre, vous ne vous tenez sur rien tant que vous n'avez pas cru en la Torah et en l'Injil. Subhanallah. Le pire, c'est quand il y a des musulmans qui vont mentionner ce verset-là pour nous dire qu'il faut respecter les chrétiens et les juifs dans qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui et dans qu'est-ce qu'ils croient aujourd'hui, tel quel. Et que ça, c'est des religions que Allah a agréées. A'udhu billah. Donc, il faut comprendre que ce verset-là, eh bien, il le cite seulement à moitié. Parce que si tu continues, tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. C'est-à-dire, يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم يعني القرآن ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh vous qui avez, oh vous les gens du livre, vous n'êtes sur rien ou vous ne vous tenez sur rien jusqu'à ce que vous ayez établi la Torah et l'Injil et ce qui a été révélé sur وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ, et ce qui a été révélé sur vous de la part de votre Seigneur. Et les ulama ont dit ça c'est le Coran. Donc c'est pas, il faut qu'ils croient au Coran, sinon c'est pas correct, c'est pas acceptable. Et à la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ce qui a été révélé, sur toi, ô Muhammad, ça va faire augmenter beaucoup d'entre eux en transgression et en mécréance. Hein? Alors ne sois pas attristé ou désolé pour des gens mécréants. Donc ça c'est pour dire que les livres tels qu'ils sont maintenant, ils ne sont pas authentiques. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ فِي أَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Hein, ils écrivent le livre avec leur propre main, puis ils disent ça vient d'Allah. Hein? Ou bien ils mentionnent, ils disent يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. Ils déforment ou ils altèrent ou ils changent la parole de son contexte. Hein? Donc c'est mentionné tout ça dans le Coran à propos des juifs et des chrétiens qu'ils déforment la réalité de ce qui a été révélé. Soit parfois qu'ils déforment le texte lui-même, qu'ils l'ont falsifié ou altéré, ou bien qu'ils déforment sa signification et son interprétation. Hein, ça, c'est différentes façons qu'ils utilisent pour déformer le sens. Donc, nous, on doit croire en At-Torah et en El-Injil de façon générale. Mais il faut savoir en même temps que qu'est-ce qu'ils possèdent aujourd'hui, ça a été falsifié. Et même si ça n'avait pas été falsifié, même si c'était authentique à 100%, on n'aurait pas du tout le droit de l'accepter ou d'y croire, dans le sens que de le suivre. Hein? Puisque le Coran, il est venu pour abroger tout ce qui avait été révélé auparavant. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans Surat Al-Ma'idah, au sujet du Coran, et des livres qui ont été révélés auparavant, il dit « Wa muhaiminan alayhi » C'est-à-dire qu'il vient et qu'il a le dessus sur ce qui a été révélé auparavant. Donc le Coran, il est muhaimin. Hein? Il a le dessus, il vient par-dessus ce qui a été révélé auparavant. Et en même temps aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit lorsqu'il a vu Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu avec une copie de la Torah dans ses mains, il lui a dit: sache, ya Omar, que si Moïse était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. C'est-à-dire, si Moïse était vivant, Moussa alayhi salam, il était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de le suivre. Donc, que dire de la Torah, hein? Donc, il ne faut pas se référer à ces livres-là qui ont été révélés dans le passé, qui ont été abrogés par le Coran. Il faut maintenant se référer au Coran. Et les chrétiens et les juifs ont l'obligation de suivre le Coran et de suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque le dernier des messagers, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que celui qui ne croit pas en lui et ne croit pas en ce qu'il a amené et qui meurt dans cet état-là parmi les juifs et les chrétiens, eh bien il fera partie des gens du feu, comme c'est mentionné dans Sahih Muslim, dans un hadith authentique à ce sujet-là. La yu'minu ahadukum la walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasrani thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashab an-nar. C'est un hadith sahih qui clarifie, qui mentionne explicitement ce point-là, que celui parmi les juifs et les chrétiens qui meurt sans avoir cru en ce que j'ai amené, qui a entendu parler de moi et qui meurt sans avoir cru en ce que j'ai amené, il sera du nombre des gens du feu. Hein? Donc ça c'est clair. Ensuite le cheikh il dit donc les livres qui ont été révélés que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné, il faut y croire, mais cette foi qu'on a en ces livres précédents, c'est pas une foi détaillée, c'est une foi générale, de façon globale. La foi en le Coran, par contre, c'est une foi qui est détaillée, il faut croire en tous les détails qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. Pourquoi? Parce que c'est notre livre et c'est quelque chose qui a été révélé à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit, et ça c'est très important, quiconque renie un seul verset ou une seule lettre de ce Coran parmi les lettres du Coran, alors il est kafir et il a apostasié l'islam, c'est-à-dire il a quitté l'islam, il n'est plus musulman, même s'il a nié une seule lettre ou un seul verset dans le Coran. Donc si c'est le cas de celui qui nie une lettre ou un verset, alors que dire de celui qui va renier qu'est-ce qui est interdit dedans, une chose interdite, ou bien qui va rendre permis quelque chose d'interdit, ou rendre interdit quelque chose de permis. C'est encore plus grave. Hein? Donc ça, aujourd'hui, on en retrouve plein parmi les ignorants, ou bien parmi les gens de passion, ou les gens d'égarement, qui font cette chose-là. Ils disent, on est musulman, mais on ne croit pas en ci. On est musulman, mais on n'accepte pas ça. On est musulman, mais on n'accepte pas tel verset. On est musulman, on n'accepte pas telle règle, ou tel principe, ou telle explication. Non, subhanallah. Soit tu crois en tout, ou bien soit tu rejettes tout. Mais tu ne peux pas prendre et laisser. Faire un tri. Commencer à trier, puis choisir selon tes désirs et tes passions. Qu'est-ce qui fait ton affaire? Tu l'acceptes. Qu'est-ce qui te déplaît, ou qu'est-ce qui n'est pas en accord avec tes désirs? Tu le rejettes. Ça, c'est pas l'attitude du mu'min. Le cheikh ensuite, il dit, وكذلك من آمن ببعض القرآن وكفر ببعض فهو كافر وكذلك من آمن ببعض الكتب وكفر ببعضه ببعض الكتب وكفر ببعض فهو كافر ومن قال أنا أؤمن بالقرآن ولا أؤمن بالتوراة والإنجيل فهو كافر أو قال أو أؤمن بالتوراة والإنجيل ولا أؤمن بالزبور الذي أنزل على داود عليه السلام فهو كافر وقال تعالى وآتينا داود زبورا أو أنكر صحف إبراهيم فهو كافر لأنه مكذب لله عز وجل ومكذب لرسوله فهو كافر لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. Donc le cheikh il dit que de la même façon que celui qui a nié une lettre ou un verset, il devient mécréant, il a quitté l'islam, eh bien la même chose pour celui qui a cru en une partie du livre puis qui a rejeté l'autre partie, hein, ou qui a mécru en une partie, hein, quelconque, et qui a cru en l'autre. Si il a rejeter une partie, c'est comme s'il a rejeté le tout. D'accord? Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ Est-ce que vous croyez une partie du livre et puis vous rejetez l'autre partie? Donc ça, c'est clair que c'est quelque chose d'inacceptable. Et ça me fait penser beaucoup, par exemple, à l'attitude des laïcs. Et ça, c'est quelque chose que Cheikh Al-Fawzan lui-même, dans le sharh qu'il a fait des Nawaqid al-Islam, il le mentionne comme exemple à ce sujet-là. Que les laïcs, ce sont des gens qui sont comparables à ceux qui croient en une partie du livre, mais qui rejettent l'autre partie. Parce qu'ils disent, la religion, c'est juste quelque chose qui s'applique à des affaires personnelles et qui se limite au contexte de la mosquée. Mais quand tu sors de la mosquée, et quand ça a un lien avec quelque chose qui est public, alors là, on n'a plus le droit de mentionner ou de parler de religion ou des règles du Coran et de la Sunna. Ça, c'est clair que c'est une croyance de kufr. C'est une croyance de kufr et de ridda, d'apostasie. Celui qui croit en la laïcité, il est kafir. À moins qu'il soit ignorant comme l'âne de son père, et qu'il n'a rien étudié des règles de l'islam, celui-là, Allah al-Musta'an, il faut lui enseigner, sinon s'il connaît le Coran, il a lu le Coran, il a compris, il a lu les hadiths, il comprend, malgré tout, il dit « je suis musulman laïque », celui-là, c'est parce qu'il a, soit il n'a rien compris à la laïcité, soit il n'a rien compris à l'islam. Mais tu ne peux pas être les deux ensemble. C'est comme si tu dis « je suis chrétien musulman », ou « je suis juif musulman », ou bien tu dis « je suis athée musulman ». Je suis communiste musulman, laïque musulman, démocrate musulman. Ça, c'est deux choses contradictoires, tu veux les associer ensemble. Hein, malheureusement, à cause de l'ignorance de beaucoup de musulmans des fondements du tawhid, de l'islam et de la aqida, beaucoup de musulmans disent ce genre de paroles parce qu'ils n'ont rien compris et ils ne savent pas que ces choses-là sont contradictoires avec l'islam. Il y a des musulmans maintenant qui pensent que du moment que tu dis « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah » et que tu fais tes cinq prières par jour, que tu fais le jeûne du ramadan, tu es un musulman. Après ça, tu peux croire en tout ce que tu veux, des idées des koufars ou des philosophies ou des croyances. Ça y est, c'est pas grave. L'islam, c'est juste, pour eux, c'est juste... Il y a quelque chose de spirituel, mais le reste de la vie, ça tu peux croire, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux. Tu n'as plus besoin de te limiter à la religion dans ces questions-là. Hein? Les questions politiques, les questions économiques, les questions sociales, ça c'est pas le Coran et la Sunna qui gèrent ces choses-là. Ça c'est la raison humaine, l'intelligence humaine. On s'assoit avec tout le monde pour essayer de trouver les meilleures réponses, les meilleures solutions. Même si ces réponses et ces solutions-là sont dans le Coran, c'est pas grave. Même si c'est dans la Sunna authentique, on veut rien savoir. Ils disent, on se réfère à notre logique, on est intelligent, on est déjà intelligent, donc on n'a pas besoin de se référer à une révélation. Hein? Surtout chez les gens qui se prétendent libres penseurs ou cette catégorie-là de gens-là, intellectuels, soi-disant intellectuels, qui pensent qu'ils sont intelligents au point de pouvoir se passer de la révélation de leur créateur. Hein, ça, c'est l'absurdité de certains. Donc, le cheikh, il donne ça comme exemple. Et il dit également, celui qui croit en une partie du livre et qui rejette une autre partie, il est mécréant. Ou bien aussi celui qui dit, je crois en le Coran, mais je ne crois pas en la Torah et l'Injil. Hein, il croit en certains livres, mais il ne croit pas aux autres. Ça aussi, c'est un kafir. Le cheikh dit, celui qui dit ça, il est kafir. Ou bien qui dit, je crois en la Torah et en l'Injil, mais je ne crois pas en Zabur, le livre qui a été révélé à Daoud alayhi salam. Donc ça aussi, c'est... Celui qui dit ça, il est kafir. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 163, dans surat al-Nisa, « Wa ataina Daoud Zabura. » On a donné à Daoud le Zabur. Donc, celui qui nie ça, il n'est pas croyant. Ou bien celui qui nie Suhuf Ibrahim. La même chose. Ou bien celui qui nie, n'importe quel autre livre qui a été mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est kafir. Donc, celui qui nie Suhuf Ibrahim, c'est comme s'il a renié Allah subhanahu wa ta'ala et démenti ce que Allah dit. Il a démenti ce que les messagers, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'ils ont dit. Donc, il est kafir parce qu'il a renié un des piliers parmi les piliers de la foi. Donc, vous voyez, ça c'est un exemple. Et l'autre pilier, c'est l'exemple de la foi en nos prophètes, la foi en nos messagers. Al-Imanu bir-Rusul. Ça, c'est le pilier numéro 4. Le Cheikh, il dit Al-Imanu bir-Rusul, jami'ahum, min awwalihim ila akhirihim, man samma Allahu minhum wa man lam yusam, nu'minu bihim jami'an. وأنهم رسل الله حقا جاءوا بالرسالة وبلغوها لأممهم فمن كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الرسل لقوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Donc le cheikh explique que parmi les piliers de la foi, il y a la foi en les messagers. Et il faut croire en tous les messagers, du premier jusqu'au dernier, ceux que Allah a mentionnés et ceux qu'Allah n'a pas nommés. C'est-à-dire, il faut croire en tous les messagers, qu'ils soient nommés par leur nom dans la révélation ou non. Il faut croire en tous les messagers et il faut croire qu'ils sont réellement des messagers d'Allah, qui sont venus avec un message et qu'ils l'ont transmis à leur nation et à leur peuple. Celui qui nie un seul d'entre les messagers, alors c'est comme s'il a nié tous les messagers, sans exception, à cause de ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne comme preuve dans le Coran à ce sujet, dans le verset 150 à 152, dans Surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ceux qui rejettent ou qui refusent de croire en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire une distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent, nous croyons en certains, et nous rejetons la foi en certains d'entre eux, et ils veulent prendre une voie intermédiaire entre ces deux voies. Ceux-là sont les vrais mécréants, ceux-là sont les vrais kafiroun, hein, et on a préparé pour les mécréants un châtiment humiliant. Et ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers et qui n'ont fait aucune distinction entre eux, alors ceux-là, nous allons leur donner leur récompense. Leur récompense, et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. فَالْكُفْرُ بِنَبِيٍ وَاحِدٍ أَوْ بِرَسُولٍ كفر أو برسول كفر بالجميع ولهذا قال كذبت قوم نوح المرسلين مع أنهم كذبوا نوحا فتكذيبهم لنوح صار تكذيبا لبقية المرسلين وكذلك من كفر بعيسى ومحمد كاليهود أو كفر بمحمد كالنصارى فإنه كافر بالجميع لا بد من الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن سمى الله منهم أو لم يسم. Donc le cheikh il explique que si quelqu'un a rejeté la foi en un prophète ou en un messager, il a rejeté la foi en tous les messagers, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 105, dans Surat Ash-Shu'ara, كذبت قوم نوح المرسلين. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le peuple de Noé a renié les messagers. Alors qu'on sait très bien que Nuh alayhi salam, c'est le premier de tous les messagers. Il n'y a pas eu d'autres avant lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple de Noé, ils ont seulement renié Nuh. Ils ont seulement renié Noé lui seul. Mais du fait qu'ils ont renié Noé, ça implique qu'ils ont renié tous les messagers. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Mursaline au pluriel. Puisque le fait qu'ils ont renié Nuh, ça implique qu'ils ont renié tous les autres aussi. Hein? C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne au pluriel. Et il dit la même chose que la mécréance des juifs qui ont rejeté la foi en Isa et en Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc les juifs, ils croient pas en Isa alayhi salam, donc ils sont des kuffars, et en plus de ça ils croient pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc ils sont encore doublement kuffar à cause de ça. comme ils ne croient pas non plus à l'Injil et à la Torah. Malgré ça, vous avez des musulmans aujourd'hui, des gens qui se disent musulmans, puis qui disent que les juifs et les chrétiens ne sont pas des koufars, mais que ce sont des croyants, et qu'il faut ne pas les déclarer comme étant des koufars à cause de ça. Ce sont des gens du livre. Et donc, puisque ce sont des gens du livre, il ne faut pas dire à leur sujet koufar. Il faut dire les gens du livre. Et on sait très bien, comme on vient juste de l'apprendre, que quiconque a renié un livre d'entre les livres d'Allah ou un prophète d'entre les prophètes et les messagers d'Allah, il est kafir, il n'est pas croyant. Donc comment les juifs et les chrétiens pourraient-ils être croyants alors qu'ils ne croient pas en Isa? Les juifs ne croient pas en Isa, ils ne croient pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les chrétiens, eux, ils ont rejeté la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ne peuvent pas être des croyants. Et celui qui a rejeté un seul prophète, un seul messager, ça équivaut à renier tous les autres. Donc ça veut dire qu'ils ne croient même pas en le prophète qu'ils prétendent croire. Quand ils disent par exemple, nous on croit en Isa, eh bien nous on leur dit non, vous ne croyez pas en Isa. Parce que si vous auriez vraiment cru en Isa, vous auriez cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si les juifs, ils disent, nous on a cru en Moussa, on leur dit la même chose. Vous n'avez pas cru en Moussa, alayhi salam. Parce que si vous auriez cru en Moussa, alayhi salam, ça aurait été nécessaire et c'est obligatoire de votre part de croire en Isa et de croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puisque vous ne croyez pas en ces deux messagers, eh bien ça, ça signifie que vous ne croyez pas non plus en Moussa, alayhi salam, et en aucun autre d'entre les messagers et les prophètes d'Allah. Mais ce sont quand même des gens du livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on les appelle des gens du livre? C'est pour distinguer entre les koufars et les mouchriquins qui ont reçu le livre et les koufars et les mouchriquins qui n'ont pas reçu le livre. Et pour faire comprendre que les koufars et les mouchriquins, comme les juifs et les chrétiens qui ont reçu un livre, ils sont plus proches des musulmans que les koufars et les mouchriquins qui n'ont pas reçu de livre. C'est tout. C'est juste pour faire en sorte que les gens comprennent qu'ils ont un lien avec nous plus proche que les autres. Et qu'ils devraient être plus proches de l'islam et accepter l'islam plus facilement que les autres. Puisque eux, ils ont des références qui sont semblables aux nôtres dans certaines de leurs croyances, puisqu'ils croient en Ibrahim, ils prétendent croire en Ibrahim et en Moussa et en Isa et en plein d'autres messagers et d'autres prophètes, et ils prétendent croire en l'interdiction de ce que ces prophètes ont interdit, et ils croient en l'obligation de ce que ces messagers ont ordonné. Donc ça, c'est des choses qui sont connues, qui sont claires dans l'islam, donc ils devraient accepter l'islam plus facilement. Mais s'ils n'acceptent pas l'islam malgré tout ça, bien, c'est la preuve que ce ne sont pas des gens croyants, hein. Mais on a cette catégorie-là maintenant de musulmans parmi les gens qui suivent la voie, par exemple, des Ikhwan Muslimin, les frères musulmans, la secte des frères musulmans, qui, depuis la fondation de ce groupe, par Hassan al-Banna, ont toujours appelé à faire des soi-disant dialogues avec les juifs et les chrétiens, et à dire à leur sujet que ce ne sont pas des koufars. Et même Hassan al-Banna, le fondateur lui-même, il a dit, à propos des juifs, il a dit, nous, on ne combat pas les juifs, on ne considère pas le combat avec les juifs comme étant quelque chose par rapport à la religion. On fait ça seulement par rapport à la terre qu'ils ont pris. Ça veut dire que c'est juste pour la dunya qu'on combat les juifs, pas par rapport à leur mécréance. Et ça a été répété après lui par Yusuf al-Qardawi et ça a été répété aussi par Muhammad al-Ghazali, par Hassan al-Turabi et par Tariq Ramadan récemment, et par plein d'autres des gens qui suivent cette voie d'égarement parmi l'égarement des frères musulmans. Parce que c'est un mouvement politique et il ne retourne pas à la aqida. Malgré que dernièrement, quelqu'un m'avait envoyé un texte dans lequel Qardawi disait que les juifs et les chrétiens sont des koufars. Et donc, là, quand on lit ça, on dit, mais subhanallah, comment il peut dire oui, ce sont des koufars, puis par la suite, dire oui, ce sont nos frères. Hein? Dire oui, ce sont nos frères, et ainsi de suite. C'est une contradiction. Hein? Donc, d'un côté, quand il parle d'un point de vue ou à certaines personnes, il dit ce sont des koufars, et quand il parle d'un autre côté ou d'un autre point de vue, il dit ce sont des frères. Hein, des choses de ce genre. Donc ça, c'est un double discours. C'est clair qu'il y a de l'hypocrisie dans cette façon de présenter les choses. Et c'est pour ça donc que nous, on ne se réfère pas à ces gens-là et on ne prend pas ces personnages-là comme étant des références par rapport à la religion. Parce que c'est des gens qui sont influencés par des intérêts politiques, des intérêts économiques ou des intérêts de la dunya. Nous, notre religion, on la prend des savants de la religion. Des gens qui parlent pour plaire à Allah et qui disent ce qui plaît à Allah selon ce qui est révélé dans le Coran et dans la Sunna et non pas selon l'opinion publique ou qu'est-ce que X ou Y veut entendre. Hein? Donc ça, c'est très important de suivre les ulama qui sont les ulama d'Ahlus Sunna al-Jama'a qui sont sincères et qui ne recherchent que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs propos. Donc ça, c'est un point à ce sujet-là pour faire comprendre que si quelqu'un dit, par exemple, que les juifs et les chrétiens ne sont pas des koufars, alors ça en soi c'est une parole de koufre. Et que la personne qui croit que les juifs et les chrétiens ne sont pas des koufars, il est kafir lui-même. Hein? Ça fait partie des choses qui sont connues de l'islam et il y a un consensus de tous les savants de l'islam à ce sujet-là. Il n'y a personne qui a, parmi les ulama de l'islam, depuis l'époque des sahab jusqu'à aujourd'hui, qui a contredit à ce sujet-là. Sauf ces gens d'égarement qui sont apparus récemment et qui font des séminaires de rapprochement ou des dialogues ou d'unification des religions. Et dernièrement, justement, la semaine passée, je pense, l'autre, Tariq Ramadan est venu même faire une conférence avec le Dalai Lama. Et avec des prêtres et des pasteurs catholiques et protestants ou ainsi de suite pour parler de religion. Donc ça, c'est des initiatives de la part de ces gens-là qui sont des initiatives d'égarement. Et que les ulama, alhamdoulilah, ont dénoncé et ont réfuté. Non. D'accord. Ensuite, le cheikh donc il dit que il faut croire donc en tous les messagers, qu'ils soient mentionnés ou qu'ils ne soient pas mentionnés dans un texte spécifique. S'ils sont mentionnés, on y croit de façon spécifique. S'ils ne sont pas mentionnés, on croit de façon générale. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ça dans le Coran. يعني منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك منهم من donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que certains d'entre eux Allah subhanahu wa ta'ala nous en a parlé et d'autres il ne nous a pas raconté leur récit وسمى الله منهم وقد سمى الله منهم كما في سورة الأنعام وتلك الرسل il dit وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطة وكلا فضلنا على العالمين فذكر جملة منهم في هذه الآيات وفي آيات أخرى فنؤمن بمن سمى الله منهم ونؤمن بمن لم يسم الله منهم. Donc, le cheikh, il dit que parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés de façon spécifique dans la révélation, c'est les messagers qui sont mentionnés dans le verset 83 et 86 dans Surat al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala, il énumère grand nombre de prophètes et de messagers dans ces versets, là. Il dit, donc, il cite parmi ces prophètes et ces messagers, il cite Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Nuh, et il cite par la suite Daoud, Suleyman, Ayyub, Yusuf, Moussa, Haroun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismaïl, Eliasa, Younes et Lout, et bien d'autres d'entre les prophètes aussi qui sont mentionnés dans d'autres versets aussi. Et il faut croire donc en ceux que Allah a mentionnés, et ceux qu'il n'a pas mentionnés, il faut croire en eux, mais de façon générale. Donc on va s'arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui avec ça, puis demain on continuera l'explication au sujet de la foi en le jour dernier et la foi en la prédestination, puis on expliquera par la suite les preuves de ces piliers-là. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك